j'irai au charivar. Si je m'ennuie là-bas, j'irai au cinéma. D'accord, d'accord, je vais au charivar. D'accord, d'accord, d'accord. J'arrive plein d'espoir, personne au charivar. Je vais au cinéma, mes ennemis n'y étaient pas. D'accord, d'accord, ne nous appelons pas. D'accord, d'accord, d'accord. C'est un club assez chic, allons pas de panique. D'accord, d'accord, je vais aux quatre vents. D'accord, d'accord, d'accord. J'arrive aux quatre vents, quelqu'un se met devant. C'est monsieur le portier qui m'interdit l'entrée. D'accord, d'accord, on en reparlera. D'accord, d'accord, d'accord. T'as pas l'air bien, tu as les traits tirés, toi tu devrais rentrer. D'accord, d'accord, moi je rentre chez moi. D'accord, d'accord, d'accord. J'arrive et quelqu'un sonne, mais c'est le téléphone. Elle me dit j'en ai marre d'attendre Charivar. D'accord, d'accord, je retourne au Charivar. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord.